Araps Michel Thomas, méthode audio italien perfectionnement, copyright 2008. Contenu, Thomas Keymaster Languages LLC, tout droit réservé. Enregistrement, Chambers Harrop Publishers. Comme vous vouliez poursuivre le cours entamé avec la méthode pour débutants, j'ai décidé de vous proposer une suite à ce cours. Cette suite vous permettra de consolider vos connaissances de l'ensemble de la structure de la langue italienne, ce à quoi vous parviendrez sans difficulté. Encore une fois, je vous conseille de vous détendre et de ne jamais essayer de mémoriser quoi que ce soit. Car, souvenez-vous, votre apprentissage relève de ma responsabilité en tant que professeur et non de la vôtre. Donc, n'essayez pas de mémoriser les informations que je vous donne, sans quoi vous risqueriez de vous crisper, ce qui nuirait à votre apprentissage. Dans ce cours, nous allons poursuivre l'étude des structures de la langue, en employant tous les temps des verbes. Autrement dit, nous allons nous occuper de grammaire, bien que ce soit un mot que je préfère éviter, et nous allons le faire rapidement et sans effort. Bien, comment diriez-vous « Je suis très content d'être ici avec vous ». Nous n'avons pas encore vu le mot « content », mais vous devriez pouvoir le deviner très facilement. « Sono molto contento di essere qui con lei. » « Sono molto contento di essere qui con lei. » Bien. Et comment diriez-vous « Je voudrais le voir ». Vorrei vederlo. Vorrei vederlo. Tout à fait. Comment dit-on je le veux? Je le veux maintenant. Lo voglio ora. Mm-hmm. Lo voglio ora. Comment dites-vous j'en veux un? En se dit souvenez-vous, c'est l'inverse du mot français. Au lieu de N, on a N-E. Ne. Ne voglio uno. Ne voglio uno, oui. Dites-moi maintenant, j'en ai acheté un. Ne ho comprato uno. C'est ça. Ne ho comprato uno. Je ne l'ai pas acheté parce que je n'en ai trouvé aucun. Comment diriez-vous ça? Je vous rappelle que « aucun » se dit « alcuno ». A-L-C-U-N-O. Alcuno. Non l'ho comprato perché non ne ho trovato alcuno. Voilà, c'est ça. Non l'ho comprato, je ne l'ai pas acheté, perché non ne ho trovato alcuno, parce que je n'en ai trouvé aucun. Vous allez poser une question maintenant. La voici. Pouvez-vous me dire où il est? Può dirmi dov'è? Può dirmi dov'è? Avant de traduire la prochaine phrase, rappelez-moi quel mot on utilise pour dire « on » en italien. C'est l'équivalent de « ce », en fait. Si. Si, voilà. Alors, maintenant, vous allez demander « Pouvez-vous me dire où on peut le trouver ?»« Può dirmi dove si può trovarlo ?» Oui, « Può dirmi dove si può trovarlo ?» Ou encore « Può dirmi dove lo si può trovare ?» avec « lo » devant le verbe conjugué. Maintenant, dites-moi, comment dit-on ça en italien? Ou comment ça se dit en italien? Come si dice in italiano? Come si dice in italiano? Et comment diriez-vous « j'aime le voir »? Mi piace vederlo. Voilà, oui. Mi piace vederlo. Et je voudrais le voir. Comment diriez-vous ça? Vorrei. Vorrei, oui. Vorrei vederlo. Vorrei vederlo, oui. Je voudrais le voir. Vous pourriez dire aussi j'aimerais le voir, ce qui donnerait mi piacerebbe. Oui. Vederlo. Tout à fait. Mi piacerebbe vederlo. Comment diriez-vous j'aime beaucoup voyager? Voyager se dit viaggiare, avec deux G. Viaggiare. Donc, j'aime beaucoup voyager se dira mi piace molto viaggiare. Mi piace molto viaggiare. Oui. Et comment diriez-vous? Je suis désolée, mais je ne peux pas attendre parce que je dois partir bientôt. Mi dispiace, ma... Je ne peux pas attendre. Non posso aspettare. Mm-hmm. Parce que je dois partir bientôt. Perché partirò presto. Ce que vous avez dit là, c'est parce que je partirai bientôt. C'est correct, mais ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé je dois partir et non pas je partirai. Je dois partir bientôt se dit devo partire presto. Oui, mais attention, vous devez insister sur le e. Devo. Devo. Devo. C'est ça. Devo partire presto. Oui. Mi dispiace, ma non posso aspettare. Perché devo partire presto. Vous pourriez dire aussi je devrais partir bientôt, au futur. Partirò presto. Ça, c'est je partirai bientôt. Et non pas je devrais partir bientôt. Ah, je devrais. Devo. Ça, c'est je dois. Comment dites-vous je devrais? Deverò? Dovero? Eh bien, au départ, oui, c'était bien ça. Parce qu'on partait de l'infinitif qui est dovere. Dovere. Et donc, je devrais dovrò. C'est ça, dovrò. Au départ, c'était dovero. Mais avec le temps, le e a disparu. Et on est arrivé à dovrò. Je devrais. Dovrò partire presto. Je devrais partir bientôt. Et au conditionnel, je devrais partir bientôt. Qu'est-ce que ça donne? Dovrei partire presto. Dovrei partire presto. Je devrais partir bientôt. C'est un conditionnel qui, comme en français, n'exprime plus vraiment une condition, une hypothèse. Ça veut dire tout simplement « je dois partir », mais de façon un peu atténuée. Un autre exemple, je devrais partir maintenant. Comment allez-vous dire ça? Dovrei partire ora. Dovrei partire ora. Nous allons revoir un peu le verbe pouvoir. Par exemple, je ne peux pas rester. Qui se dit? Non posso restare. C'est ça. Non posso restare. Comment diriez-vous? Pouvez-vous me le dire? Può dirmelo? Può dirmelo? Et quand pourrez-vous le faire? Comment diriez-vous ça? Quando potrebbe farlo? J'ai dit quand pourrez-vous le faire? Quando potrà? Oui. Quando potrà farlo? Voilà, c'est ça. Quando potrà farlo? Si vous dites quando potrebbe farlo, ça veut dire quand pourriez-vous le faire? C'est ça. Quand pourriez-vous le faire? Et non pas quand pourrez-vous le faire?